De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Chaque semaine sur Fadjet, vous avez rendez-vous avec Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. De l'huile dans les rouages. Oui. Tu nous fais voyager au cœur des émotions chaque semaine. Oui, de la relation aussi. Comment faire pour avoir des relations apaisées. Là, tu vas nous aider à mieux observer un peu comment réagissent les émotions, mais à travers le corps, le langage corporel, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que les émotions et le corps, c'est vraiment très, très lié. Donc, je me suis dit que j'allais vous donner quelques clés pour lire le langage corporel de nos émotions. Alors, comment on voit que quelqu'un est heureux? En général, on arrive à voir que quelqu'un est heureux, satisfait ou va bien parce que il a le corps qui va globalement vers le haut. Donc, c'est-à-dire, on peut penser au buste, hein, on se tient plutôt droit, on a le visage ouvert et on voit que le visage est ouvert parce que les sourcils vont plutôt vers le haut. On peut sourire, donc les commissures des lèvres vont vers le haut. Un vrai sourire, un sourire authentique, c'est celui des yeux. C'est quand les petits plis sous les yeux, eux, ils montent aussi. Si vous voulez savoir si c'est authentique ou pas, c'est dans les yeux. Et puis, on peut voir aussi quelqu'un qui est super heureux. Par exemple, un sportif qui a gagné, en général, il lève les bras. Donc, c'est vraiment jusqu'à ce point-là. Dans le sens inverse, quand on est triste, on fait quoi? On s'écroule par terre. Alors, oui, là, quand on est, quand même. On peut, hein, si on n'est vraiment pas bien, on peut finir en boule par terre. Mais le début de la tristesse ou une tristesse chez les gens, on peut voir que le regard va vers le sol. En général, la tristesse, c'est plutôt un mouvement vers le bas. Et pareil, si on repense aux lèvres, les commissures des lèvres qui vont vers le bas. Donc, c'est toute une énergie qui descend. On peut avoir les épaules qui se rentrent, des choses comme ça. On croise les bras, on se renferme un peu sur soi-même aussi. Voilà, tout à fait. Donc là, on a vu la tristesse, on a vu d'être heureux, mais il y a aussi la colère qui peut s'exprimer. Oui, pour voir la colère chez quelqu'un, on peut s'aider beaucoup de ses sourcils. Souvent, on le sent dans le regard aussi, qu'il y a quelque chose qui va vers l'avant, qui pointe, qui pique. Et donc, les sourcils qui sont froncés, qui se rassemblent, qui vont vers l'avant. Donc, c'est une énergie qui va vers l'avant, la colère, puisqu'on a dit que c'était quelque chose qui servait à marquer les limites. Donc, c'est stop. Donc ça peut être jusqu'à des fois le buste qui se penche un peu vers l'avant ou toute la tête qui va un petit peu vers l'avant ou quand c'est très fort ou ça peut aller vers l'expression d'une violence ou d'une agressivité, on peut avoir les bras, les mains qui vont vers l'avant, qui peuvent marquer le territoire, stop. Et ça peut déclencher de la peur vers l'autre aussi et là voilà. Aussi ça se ressent. Méga enchaînement Yves. Ouais, la peur du coup chez quelqu'un, c'est un mouvement qui est vers l'arrière et qui peut être très difficile à voir parce que des fois c'est des yeux un peu écarquillés comme ça. C'est une énergie, la peur, qui nous dit de fuir en général puisque ça a un rapport avec le danger. Des fois dans la peur on peut être figé, on peut être dans la réaction, l'attaque, mais globalement quelqu'un par exemple qui a souvent peur, on peut voir qu'il a les yeux aussi écarquillés mais que c'est quelque chose qui va vers l'arrière. Je ne sais pas si le buste aussi va vers l'arrière, des choses comme ça. Donc, la peur, c'est peut-être une des choses, des fois, la plus difficile à sentir ou la plus subtile. Ça dépend des gens, dans leur lecture du corps. Mais voilà, on peut déjà s'aider de ces indices-là. La joie vers le haut, la tristesse vers le bas, la colère vers l'avant, la peur vers l'arrière. Parfois, les indices peuvent être assez subtils aussi. Ça peut être très discret. Oui, tout à fait. Il y avait une excellente série qui s'appelle Lie to Me, qui parlait un peu de ça, comment lire dans le visage et dans l'intonation aussi, ce que ressentent les gens, s'ils mentent ou pas. Oui, des fois, c'est des micro-mouvements. Parce que c'est vraiment quelque chose d'assez involontaire. On peut aussi avoir conditionné dans une culture à ne pas exprimer certaines émotions. Je pense aux cultures asiatiques. Alors là, c'est vraiment balèze d'arriver à sentir, à voir chez l'autre ce qu'il ressent. Alors à quoi ça va servir justement de savoir ça? Des fois, quand on a parlé des météos émotionnels, de l'auto-empathie, on est un peu perdu. On ne sait pas ce qu'on ressent. Ben, on peut prendre le temps des fois de se regarder dans le miroir, vraiment, pour regarder, tiens, mais il va où mon corps? Et en sachant ça, on peut se dire, ah bah ouais, en fait, au fond, je veux peut-être pas l'accepter, mais je suis triste là, je sens que là, il y a toujours ma petite commissure de lèvre gauche qui descend. Peut-être, en fait, j'ai une tristesse, quoi. De même, si on veut être dans l'empathie vers l'autre et qu'on fait des exercices, tu sais, où on essaye de dire, est-ce que t'as peur, est-ce que t'es inquiet, etc., pour remplacer nos messages risqués, on peut se synchroniser à l'autre et prendre les mêmes postures que lui. Parce qu'au bout de quelques secondes, notre corps va sécréter des hormones qui vont nous mettre dans cet état. C'est un peu l'outil qu'utilisent les acteurs. À force d'être dans une posture, d'utiliser leur corps, ils finissent par ressentir vraiment l'émotion en question. Donc si je ne sais pas ce que ressent l'autre, j'utilise mon intellect en regardant son langage corporel et je peux dire « je vois que tu fronces les sourcils, est-ce que tu es contrarié ?» Donc ça, c'est l'aspect intellect. Ou alors, je me mets dans la même posture, je me synchronise, ce qui est aussi une technique de drague, plus ou moins consciente. C'est-à-dire se mettre sur la même longueur d'onde que l'autre et essayer d'aider justement à faire de l'empathie. Et je voulais aussi dire que c'est un excellent outil pour sortir d'une émotion dans laquelle on est un peu bloqué. Tu sais, les séances précédentes, on a parlé d'émotions obligatoires. Mmh. Donc, on peut s'enfermer dans une posture émotionnelle. Par exemple, être tout le temps en colère ou tout le temps triste, ce qui revient de la dépression en quelque sorte. Hein. Et bien, pour sortir d'une émotion, on peut utiliser son corps. Donc par exemple, il y a des postures, le fait de se forcer au début à regarder plus souvent vers le haut quand on est triste. Ou il y a des exercices aussi un peu thérapeutiques quand on est triste, de s'ouvrir, de s'exercer à s'ouvrir. On démarre comme si on était en boule et puis tout doucement, on se rouvre et on se remet debout. Mmh. Et bien, il y a aussi le yoga du rire qui permet, à force de pratiquer, de sécréter des hormones qui nous rappellent ce que c'est que d'être dans la joie. Donc en fait, le corps, c'est un super outil pour se connecter d'une part à ses émotions. Quand on ne sait pas ce qu'on ressent, on peut dire « je ne sais pas ce que je ressens, mais j'ai un nœud dans la gorge, là, par exemple, ou j'ai mal au ventre, ou j'ai des papillons dans le ventre ». Donc savoir localiser ce qui se passe en nous, c'est déjà faire un premier pas vers soi, se connaître et identifier ses émotions, ou s'en libérer. Vraiment, le corps, c'est un outil génial. Eh bien, on vous invite à sécréter de bonnes hormones jusqu'à la semaine prochaine, à la prochaine chronique. Noémie, tu nous parleras de quoi la semaine prochaine ? On va explorer le vocabulaire de la joie ensemble. Parfait. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Merci Noémie. Merci Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.